Chapitre 12. Deux perspectives de la nature. Ce que nous venons de dire des animaux et des plantes nous mène à considérer les tableaux de la nature sous un rapport plus général. Tâchons de faire parler ensemble ces merveilles qui, prises séparément, nous ont déjà dit tant de choses de la Providence. Nous présenterons au lecteur deux perspectives de la nature, l'une marine et l'autre terrestre, l'une au milieu des mers atlantiques, l'autre dans les forêts du Nouveau Monde, afin qu'on ne puisse attribuer la majesté de ces scènes aux monuments des hommes. Le vaisseau sur lequel nous passions en Amérique, s'étant élevé au-dessus du gisement des terres, bientôt l'espace ne fut plus tendu que du double azur de la mer et du ciel, comme une toile préparée pour recevoir les futures créations de quelque grand peintre. La couleur des eaux devint semblable à celle du verre liquide. Une grosse houle venait du couchant, bien que le vent soufflât de l'est. D'énormes ondulations s'étendaient du nord au midi et ouvraient dans leurs vallées de longues échappées de vue sur les déserts de l'océan. Ces mobiles paysages changeaient d'aspect à toute minute. Tantôt, une multitude de tertres verdoyants représentaient des sillons de tombeaux dans un cimetière immense. Tantôt, des lames, en faisant moutonner leurs cimes, imitaient des troupeaux blancs répandus sur des bruyères. Souvent, l'espace semblait borné, faute de points de comparaison. Mais si une vague venait à se lever, un flot à se courber comme une côte lointaine, un escadron de chiens de mer à passer à l'horizon, l'espace s'ouvrait subitement devant nous. On avait surtout l'idée de l'étendue quand une brume légère rampait à la surface de la mer et semblait accroître l'immensité même. Oh, qu'alors les aspects de l'océan sont grands et tristes. Dans quelle rêverie ils vous plongent ? Soit que l'imagination s'enfonce sur les mers du Nord, au milieu des frimas et des tempêtes, soit qu'elle aborde sur les mers du Midi à des îles de repos et de bonheur. Il nous arrivait souvent de nous lever au milieu de la nuit et d'aller nous asseoir sur le pont, où ne nous trouvions que l'officier de quart et quelques matelots qui fumaient leurs pipes en silence. Pour tout bruit, on entendait le froissement de la proue sur les flots, tandis que des étincelles de feu couraient, avec une blanche écume, le long des flancs du navire. Dieu des chrétiens, c'est surtout dans les eaux de l'abîme et dans les profondeurs des cieux que tu as gravé bien fortement les traits de ta toute-puissance. Des millions d'étoiles rayonnant dans le sombre azur du dôme céleste. La lune au milieu du firmament. Une mer sans rivage, l'infini dans le ciel et sur les flots. Jamais tu ne m'as plus troublé de ta grandeur que dans ces nuits où, suspendu entre les astres et l'océan, j'avais l'immensité sur ma tête et l'immensité sous mes pieds. Je ne suis rien, je ne suis qu'un simple solitaire. J'ai souvent entendu les savants disputer sur le premier être, et je ne les ai point compris. Mais j'ai toujours remarqué que c'est à la vue des grandes scènes de la nature que cet être inconnu se manifeste au cœur de l'homme. Un soir, il faisait un profond calme. Nous nous trouvions dans ces belles mers qui baignent les rivages de la Virginie. Toutes les voiles étaient pliées. J'étais occupé sous le pont lorsque j'entendis la cloche qui appelait l'équipage à la prière. Je me hâtai d'aller mêler mes vœux à ceux de mes compagnons de voyage. Les officiers étaient sur le château de poupe avec les passagers. L'aumônier, un livre à la main, se tenait un peu en avant d'eux. Les matelots étaient répandus pêle-mêle sur le tillac. Nous étions tous debout, le visage tourné vers la proue du vaisseau qui regardait l'Occident. Le globe du soleil, prêt à se plonger dans les flots, apparaissait entre les cordages du navire, au milieu des espaces sans bornes. On eût dit, par les balancements de la poupe, que l'astre radieux changeait à chaque instant d'horizon. Quelques nuages étaient jetés sans ordre dans l'Orient, où la lune montait avec lenteur. Le reste du ciel était pur. Vers le nord, formant un glorieux triangle avec l'astre du jour et celui de la nuit, une trombe brillante des couleurs du prisme, s'élevait de la mer comme un pilier de cristal supportant la voûte du ciel. Il eût été bien à plaindre, celui qui dans ce spectacle n'eût point reconnu la beauté de Dieu. Des larmes coulèrent malgré moi de mes paupières lorsque mes compagnons, ôtant leurs chapeaux goudronnés, vinrent à entonner d'une voix rauque leur simple cantique à Notre-Dame de Bon Secours, patronne des mariniers. Quelle était touchante la prière de ces hommes qui, sur une planche fragile, au milieu de l'océan, contemplaient le soleil couchant sur les flots. Comme elle allait à l'âme, cette invocation du pauvre matelot à la mer de douleur. La conscience de notre petitesse à la vue de l'infini, nos chants s'étendant au loin sur les vagues, la nuit s'approchant avec ses embûches, la merveille de notre vaisseau au milieu de tant de merveilles, un équipage religieux saisi d'admiration et de crainte, un prêtre auguste en prière, Dieu penché sur l'abîme, d'une main retenant le soleil aux portes de l'Occident, de l'autre élevant la lune dans l'Orient, et prêtant, à travers l'immensité, une oreille attentive à la voix de sa créature. Voilà ce qu'on ne saurait peindre, et ce que tout le cœur de l'homme suffit à peine pour sentir. Passons à la scène terrestre. Un soir, je m'étais égaré dans une forêt à quelque distance de la cataracte de Niagara. Bientôt, je vis le jour s'éteindre autour de moi, et je goûtais, dans toute sa solitude, le beau spectacle d'une nuit dans les déserts du Nouveau Monde. Une heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus des arbres, à l'horizon opposé. Une brise embaumée que cette reine des nuits amenait de l'Orient avec elle semblait la précéder dans les forêts comme sa fraîche haleine. L'astre solitaire monta peu à peu dans le ciel. Tantôt il suivait paisiblement sa course azurée. Tantôt il reposait sur des groupes de nues qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes couronnées de neige. Ces nues, ployant et déployant leurs voiles, se déroulaient en zones diaphanes de satin blanc, se dispersaient en légers flocons d'écume, ou formaient dans les cieux des bancs d'une ouate éblouissante, si doux à l'œil qu'on croyait ressentir leur mollesse et leur élasticité. La scène sur la terre n'était pas moins ravissante. Le jour bleuâtre et velouté de la lune descendait dans les intervalles des arbres et poussait des gerbes de lumière jusque dans l'épaisseur des plus profondes ténèbres. La rivière qui coulait à mes pieds, tour à tour, se perdait dans le bois, tour à tour reparaissait brillante des constellations de la nuit qu'elle répétait dans son sein. Dans une savane, de l'autre côté de la rivière, la clarté de la lune dormait sans mouvement sur les gazons. Des bouleaux agités par les brises et dispersés çà et là formaient des îles d'ombre flottantes sur cette mer immobile de lumière. Auprès, tout aurait été silence et repos sans la chute de quelques feuilles, le passage d'un vent subit, le gémissement de la hulotte. Au loin, par intervalles, on entendait les sourds mugissements de la cataracte du Niagara, qui, dans le calme de la nuit, se prolongeait de désert en désert et expirait à travers les forêts solitaires. La grandeur, l'étonnante mélancolie de ce tableau ne saurait s'exprimer dans les langues humaines. Les plus belles nuits en Europe ne peuvent en donner une idée. En vain, dans nos champs cultivés, l'imagination cherche à s'étendre. Elle rencontre de toutes parts les habitations des hommes. Mais dans ces régions sauvages, l'âme se plaît à s'enfoncer dans un océan de forêts, à planer sur le gouffre des cataractes, à méditer au bord des lacs et des fleuves, et pour ainsi dire, à se trouver seule devant Dieu. Chapitre 13. L'homme physique. Pour achever ses vues des causes finales, ou des preuves de l'existence de Dieu tirées des merveilles de la nature, il ne nous reste plus qu'à considérer l'homme physique. nous laisserons parler les maîtres qui ont approfondi cette matière. Cicéron décrit ainsi le corps de l'homme. À l'égard des sens, par qui les objets extérieurs viennent à la connaissance de l'âme, leur structure répond merveilleusement à leur destination, et ils ont leur siège dans la tête comme dans un lieu fortifié. Les yeux, ainsi que des sentinelles, occupent la place la plus élevée d'où ils peuvent, en découvrant les objets, faire leur charge. Un lieu éminent convenait aux oreilles parce qu'elles sont destinées à recevoir le son qui monte naturellement. Les narines devaient être dans la même situation parce que l'odeur monte aussi, et il les fallait près de la bouche parce qu'elles nous aident beaucoup à juger du boire et du manger. Le goût, qui doit nous faire sentir la qualité de ce que nous prenons, réside dans cette partie de la bouche par où la nature donne passage au solide et au liquide. Pour le tact, il est généralement répandu dans tout le corps afin que nous ne puissions recevoir aucune impression ni être attaqués du froid ou du chaud sans le sentir. Et comme un architecte ne mettra point sous les yeux ni sous le nez du maître les égouts d'une maison, de même, la nature a éloigné de nos sens ce qu'il y a de semblable à cela dans le corps humain. Mais quel autre ouvrier que la nature, dont l'adresse est incomparable, pourrait avoir si artistement formé nos sens? Elle a entouré les yeux de tuniques fort minces, transparentes en avant, afin que l'on pût voir à travers, fermes dans leur tissure, afin de tenir les yeux en état. Elle les a fait glissants et mobiles, pour leur donner moyen d'éviter ce qui pourrait les offenser et de porter aisément leur regard où ils veulent. La prunelle, où se réunit ce qui fait la force de la vision, est si petite qu'elle se dérobe sans peine à ce qui serait capable de lui faire mal. Les paupières, qui sont les couvertures des yeux, ont une surface polie et douce pour ne point les blesser. Soit que la peur de quelque accident oblige à les fermer, soit qu'on veuille les ouvrir, les paupières sont faites pour s'y prêter, et l'un ou l'autre de ces mouvements ne leur coûte qu'un instant. Elles sont, pour ainsi dire, fortifiées d'une palissade de poils qui leur sert à repousser ce qui viendrait attaquer les yeux quand ils sont ouverts, et à les envelopper afin qu'ils reposent paisiblement quand le sommeil les ferme et nous les rend inutiles. Nos yeux ont de plus l'avantage d'être cachés et défendus par des éminences. Car, d'un côté, pour arrêter la sueur qui coule de la tête et du front, ils ont le haut des sourcils, et de l'autre, pour se garantir par le bas, ils ont des joues qui avancent un peu. Le nez est placé entre les deux comme un mur de séparation. Quant à l'ouïe, elle demeure toujours ouverte parce que nous en avons toujours besoin, même en dormant. Si quelque son la frappe alors, nous en sommes réveillés. Elle a des conduits tortueux, de peur que s'ils étaient droits et unis, quelque chose ne s'y glissât. Mais nos mains, de quelle commodité ne sont-elles pas, et de quelle utilité dans les arts? Les doigts s'allongent ou se plient sans la moindre difficulté, tant leurs jointures sont flexibles. Avec leur secours, les mains usent du pinceau et du ciseau. Elles jouent de la lyre, de la flûte, voilà pour l'agréable. Pour le nécessaire, elles cultivent les champs, bâtissent des maisons, font des étoffes, des habits, travaillent en cuivre, en fer. L'esprit invente, les sens examinent, la main exécute. Tellement que si nous sommes logés, si nous sommes vêtus et à couvert, si nous avons des villes, des murs, des habitations, des temples, c'est aux mains que nous les devons, etc. Il faut convenir que la matière seule n'a pas plus fait le corps de l'homme pour tant de fins admirables. Que ce beau discours de l'orateur romain n'a été composé par un écrivain sans éloquence et sans art. Plusieurs auteurs ont prouvé, et en particulier le médecin Nioventiet, que les bornes dans lesquelles nos sens sont renfermés sont les véritables limites qui leur conviennent, et que nous serions exposés à une foule d'inconvénients et de dangers si ses sens avaient plus ou moins d'étendue. Galien, saisi d'admiration au milieu d'une analyse anatomique du corps humain, laisse échapper le scalpel et s'écrie : « Ô toi qui nous as fait, en composant un discours si saint, je crois chanter un véritable hymne à ta gloire. Je t'honore plus en découvrant la beauté de tes ouvrages qu'en te sacrifiant des hécatombes entières de taureaux ou en faisant fumer les temples de l'encens le plus précieux. La véritable piété consiste à me connaître moi-même, ensuite à enseigner aux autres quelle est la grandeur de ta bonté, de ton pouvoir, de ta sagesse. Ta bonté se montre dans l'égale distribution de tes présents, ayant réparti à chaque homme les organes qui lui sont nécessaires. Ta sagesse se voit dans l'excellence de tes dons et ta puissance dans l'exécution de tes desseins.